Chapitre 27e. Si le temps continue d'être aussi beau pour la saison, dit Madame Jennings en déjeunant, Sir George ne quittera pas encore Barton. Il lui en coûterait trop de perdre un jour de chasse. Ah, c'est vrai, s'écria Maria avec gaieté et en courant à la fenêtre pour examiner le temps. Je n'y avais pas pensé. Ces beaux jours d'hiver doivent inviter tous les chasseurs à rester à la campagne. Cette idée releva ses esprits et lui rendit tout son espoir. Willoughby, chasseur déterminé, n'était sûrement pas à Londres. Il n'avait pas reçu sa lettre. Son absence, son silence, étaient expliqués. Et tous les nuages élevés dans l'âme de Maria furent dissipés. Madame Jennings avait eu là une heureuse idée. « Il est sûr, » dit Maria en s'asseyant à la table du déjeuner et en prenant une tartine qu'elle mangea avec appétit, « il est sûr qu'il fait un délicieux temps de chasse. » Comme ils doivent être heureux. Mais j'espère cependant, je crois, veux-je dire, qu'il ne durera pas longtemps. Dans cette saison, c'est impossible. Nous aurons bientôt de la neige, de la gelée, qui rappellera tous les chasseurs et tout le monde en ville. Cette extrême douceur de temps ne peut pas durer. Dans un jour ou deux, peut-être, il y aura du changement. Voyez comme le jour est clair. Il peut geler cette nuit et demain... Et dans peu de jours, nous aurons Sir George et Lady Milton, dit Elinor pour détourner l'attention de Madame Jennings. Actuellement, pensait-elle, je suis sûre que Maria écrira à Hautecombe par le courrier de ce soir. Écrivit-elle, en effet, c'est ce qu'il fut impossible de découvrir, mais elle continua d'être de très bonne humeur, heureuse de penser que Willoughby était à la chasse, plus heureuse encore d'espérer qu'il arriverait bientôt. La matinée se passa en course chez des marchands, ou à laisser des cartes chez les connaissances de Madame Jennings pour les informer de son retour en ville. Maria, qui n'avait plus la crainte de manquer Willoughby en sortant, ou l'espoir de le rencontrer dehors, alla où l'on voulut et fut assez bon enfant. Mais sa principale occupation était d'observer la direction du vent et les variations de l'atmosphère. « Ne trouvez-vous pas qu'il fait beaucoup plus froid qu'hier, Elinor ?» lui disait-elle. « Cela augmente sensiblement. » « Je suis sûr qu'il gèlera cette nuit, et... » Elle se taisait. Mais Elinor achevait intérieurement sa phrase, « Et les chasseurs rentreront en ville. » Elle était en même temps amusée et peinée de cette vivacité de sentiments qui faisait passer tour à tour sa sœur du désespoir à la joie et rapportait tout à l'unique objet dont elle était occupée. Quelques jours se passèrent sans gelée et sans Willoughby, et Maria les trouva longs et ennuyeux. Ni elle ni Elinor ne pouvaient cependant se plaindre en aucune manière de leur genre de vie chez Madame Jennings. Il était tout autre qu'Elinor ne l'avait imaginé. La maison située dans le beau quartier de Berkeley Street était montée sur un grand ton d'élégance et d'aisance. À l'exception de quelques vieilles connaissances de la cité, dont Lady Milton n'avait pu obtenir l'expulsion, toute la société de Madame Jennings était très distinguée. Elle présenta ses jeunes amis de manière à leur attirer mille politesses. La figure très remarquable de Maria, les grâces d'Elinor, leur gagnèrent bientôt l'admiration et l'amitié de tous ceux à qui Madame Jennings les présentait. Mais dans les premiers temps de leur séjour à Londres, leurs plaisirs se bornèrent à quelques rassemblements peu nombreux, soit chez Madame Jennings, soit ailleurs, où Elinor faisait tous les soirs un grave whisk, tandis que Maria s'ennuyait à la mort, en comptant les jours et les heures, en soupirant après les frimas qui devaient lui ramener son ami. Le colonel Brandon, ayant reçu une invitation de Madame Jennings pour tous les jours, n'en laissait point passer sans venir prendre le thé avec ses dames lorsqu'elles restaient à la maison. Il regardait Maria, il parlait à Elinor, qui le trouvait chaque jour plus aimable et plus intéressant, et qui voyait avec un vrai chagrin que son amour pour Maria, loin de diminuer le moins du monde, augmentait visiblement. Il lui parlait peu, mais ses regards ne l'abandonnaient pas. Il suivait tous les mouvements de cette figure si belle, si expressive, paraissait au ciel lorsqu'elle lui adressait la parole, et tombait dans une sombre mélancolie quand elle ne lui parlait pas. Environ une semaine après leur arrivée en ville, en rentrant un matin après une promenade en voiture, elles trouvèrent une carte sur la table avec le nom de Willoughby. Maria la saisit avec une émotion qui fit craindre à sa sœur qu'elle ne se trouvât mal. « Bon Dieu » s'écria-t-elle, « quel bonheur, il est enfin à Londres !» Mais quel chagrin qu'il soit venu pendant notre absence, et que je suis fâché que nous soyons sortis ce matin. » Des larmes remplirent ses beaux yeux. Elinor, très touchée, lui dit qu'il reviendrait sûrement le lendemain. « J'en suis sûr à présent, » dit Maria en pressant contre son cœur la précieuse carte. Madame Jennings entra. Elle s'échappa en emportant avec elle la carte et le nom qui lui annonçait un bonheur si passionnément désiré. Elinor fut contente et de la joie de Maria et de pouvoir enfin étudier Willoughby. Mais Maria reprit toutes ses agitations à un plus haut degré. Elle n'eut plus un instant de tranquillité. L'attente de voir d'un instant à l'autre entrer cet être adoré la rendait incapable de tout. Elle ne parlait ni n'écoutait plus, et dès le lendemain, elle refusa positivement, sur un léger prétexte, d'accompagner Madame Jennings et sa sœur à la promenade accoutumée du matin. Elinor n'insista pas et n'osa refuser à Madame Jennings d'aller avec elle. Mais malgré tous ses efforts, elle fut presque d'aussi mauvaise compagnie que l'aurait été sa sœur. Elle ne pouvait détourner ses pensées de la visite de Willoughby, dont elle n'avait aucun doute. Elle voyait, elle sentait l'émotion de Maria et regrettait de n'être pas avec elle pour la soutenir et pour juger avec plus de calme les dispositions de Willoughby. À son retour, qu'elle pressa autant qu'il lui fut possible, elle vit au premier regard qu'elle jeta sur sa sœur que Willoughby n'était pas venu. Maria était l'image parlante d'un abattement tout près du désespoir. Elinor la regardait avec la plus tendre compassion lorsque le laquais entra en tenant un billet. Maria courut au-devant de lui, l'arracha de ses mains en disant vivement « Pour moi, est-ce qu'on attend ?»« Non, madame, c'est pour ma maîtresse. » Elle avait déjà lu l'adresse et jeté le billet avec dépit sur la table. « Pour madame Jennings, et rien pour moi. C'est désespérant en vérité. C'est pour en mourir. » « Vous attendiez donc une lettre ?» dit Elinor, incapable de garder plus longtemps le silence. Maria ne répondit rien. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Vous n'avez aucune confiance en moi, chère Maria, » continua Elinor, après une courte pause. « Ce reproche est singulier de votre part, Elinor. Vous qui n'avez de confiance en personne. »« Moi, » répondit Elinor avec quelque embarras, « je n'ai rien à confier. »« Ni moi, sans doute, » répondit Maria avec énergie. « Nos situations sont donc tout à fait semblables. Nous n'avons rien à nous dire l'une à l'autre. Vous, parce que vous cachez tout, moi, parce que je ne cache rien. » « Mais quand vous me donnerez l'exemple d'une confiance plus particulière, alors je le suivrai. » Elinor se tut en étouffant un soupir. Qu'aurait-elle pu dire? Le secret qui oppressait son cœur n'était pas le sien. Elle ne pouvait le trahir. Et pourquoi parler d'un homme qu'elle voulait oublier, d'un sentiment dont elle voulait triompher? Mais elle sentit qu'elle ne pouvait pas, dans de telles circonstances, exiger la confiance de Maria. Madame Jennings entra, ouvrit son billet, et le lut tout haut. Il était de sa fille Lady Mary Middleton, qui lui annonçait leur arrivée à Londres le soir précédent, et la priait ainsi que ses belles cousines de venir passer la soirée chez elle. Les occupations de Sir George, et de son côté un peu de rhume, les empêchaient de venir à Berkeley Street. L'invitation fut acceptée, mais quand l'heure d'y aller arriva, Elinor eut beaucoup de peine à persuader à Maria qu'elle ne pouvait honnêtement s'en dispenser. Willoughby n'avait point paru, n'avait point écrit, et le tourment d'une attente continuelle et toujours trompée avait tellement irrité les nerfs de cette pauvre jeune fille qu'elle assurait, sans en dire la cause, n'être pas en état de sortir. Mais un motif plus fort de rester au logis était la crainte de manquer encore la visite tant désirée. Madame Jennings vint de nouveau au secours d'Elinor par ses sages réflexions. « Il faut bien que vous veniez, Maria, » lui dit-elle, « car je parie que Sir George aura rassemblé tous les amis de Barton Park. » Maria rougit et courut chercher son châle. Elle fut reçue à Conduit Street, comme elle l'était au parc, avec l'élégante cérémonie et la froide politesse de Lady Middleton, et avec la bruyante cordialité et la bonne humeur de Sir George. « Soyez les bienvenus, mes belles voisines, » dit-il en leur serrant la main. « J'ai invité pour ce soir une douzaine de couples de jeunes gens. J'aurai deux violons et nous nous amuserons. Ce n'était pas trop l'avis de ma femme, mais le mien a prévalu et je pense que vous serez de mon parti. J'ai bien couru ce matin pour arranger cela. À Londres, c'est plus difficile qu'à Barton. Il y a plus de monde, mais aussi plus de plaisir. » En effet, Lady Milton, quoiqu'elle aime à la danse, aimait mieux encore une belle représentation. Elle trouvait qu'à la campagne, un bal impromptu pouvait passer, mais à Londres, elle craignait de compromettre sa réputation d'élégance, lorsque l'on saurait que l'on avait dansé chez Lady Milton avec deux violons seulement et une simple collation. Monsieur et Madame Palmer étaient de la partie. Mademoiselle Dashwood n'avait point vu le premier depuis leur arrivée, non plus que sa belle-mère, qu'il traitait avec une indifférence mal déguisée, sous un air de dignité et d'importance. Il les saluait légèrement lorsqu'elles entrèrent, sans avancer d'un pas et sans les regarder, pendant que sa femme les étouffait de caresses et riait aux éclats de ce que son cher amour n'avait pas l'air de les reconnaître. « Ce sont Mademoiselle Dashwood, Monsieur Palmer. » Il fit comme s'il ne l'entendait pas. « Monsieur Palmer, c'est ma mère. Eh bien, voyez comme il est drôle. Il est dans ses humeurs de ne pas m'écouter. » Maria en faisait bien autant. En entrant, elle parcourut le salon d'un regard. Il n'y était pas, et pour elle, il n'y avait personne. Elle s'assit tristement dans un coin, également mal disposée pour avoir du plaisir ou pour en donner. Il y avait environ une heure qu'ils étaient rassemblés, lorsque M. Palmer, sortant de sa rêverie, s'avança en bâillant auprès d'Elinor, exprima sa surprise de les voir en ville, quoique ce fût chez lui que le colonel Brandon eût appris leur arrivée. « D'honneur, je croyais que vous passiez tout l'hiver en Devonshire. »« Vraiment ?» dit Elinor en riant. « Quand y retournez-vous »« Je l'ignore. » Les violons arrivèrent. La conversation finit. On se prépara à danser. Jamais Maria n'avait été si peu en train. Enfin, cette mortelle soirée finie, sans avoir encore vu Willoughby. « Je n'ai de ma vie été plus fatiguée, » dit Maria en entrant dans la voiture. « Le parquet n'a point d'élasticité. »« Ne cherchez pas chicane à ce pauvre parquet, » dit en riant Madame Jennings. « Vous l'auriez trouvé assez bon si vous l'aviez parcouru avec quelqu'un que je ne veux pas nommer. Vous ne seriez alors pas du tout fatiguée. » À dire vrai, ce n'est pas trop honnête à lui de ne pas venir danser avec vous quand il était invité. « Invité ?» s'écria Maria. « Il était invité ?» Oui, ma fille me l'a dit, et Sir George aussi, qui l'a rencontré ce matin, et l'a fort pressé de venir. » Maria ne dit plus rien, mais sa contenance annonçait combien elle était blessée. Elinor l'était aussi, et résolut d'écrire à sa mère, le matin suivant, d'éveiller ses craintes sur la santé de Maria, et de l'engager à exiger sa confiance. Elle fut confirmée dans cette résolution en s'apercevant le lendemain après déjeuner que Maria écrivait à Willoughby, car qui d'autre qu'à lui pouvait-elle écrire? Avant dîner, Madame Jennings sortit pour quelques affaires. Elinor commença sa lettre. Maria, trop inquiète pour lire, trop agitée pour travailler, allait d'une fenêtre à l'autre ou se promenait dans la chambre les bras croisés ou assise devant le feu dans une attitude mélancolique. Elinor fut très pressante dans ses supplications à leur mère. Elle lui racontait tout ce qui s'était passé depuis leur arrivée, ses soupçons sur l'inconstance de Willoughby, et la conjurait, au nom de ses devoirs de mère et de sa tendresse pour Maria, d'exiger d'elle un aveu positif de sa situation. Sa lettre était à peine finie qu'un coup de marteau annonça une visite. Maria, fatiguée d'espérer, se hâta de sortir pour ne pas entendre annoncer une autre personne que Willoughby. Un regard amical sur Elinor fut interprété par cette dernière comme une prière muette de la faire demander si c'était lui. Ce n'était pas lui, c'était encore le bon colonel Brandon. Il paraissait plus triste qu'à l'ordinaire. Après avoir exprimé à Elinor sa satisfaction de la trouver seule, comme s'il avait quelque chose de particulier à lui dire, il s'assit à côté d'elle en silence et comme oppressé de ses pensées. Elinor, persuadée qu'il avait quelque chose à lui communiquer qui concernait sa sœur, attendait impatiemment qu'il commençât. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait cette conviction. Souvent déjà, quand Maria sortait ou restait rêveuse dans un coin du salon, le colonel s'approchait d'Elinor, lui disait avec l'air du plus grand intérêt « Mademoiselle Maria n'est pas bien aujourd'hui, ou bien « Votre sœur est bien absorbée. » Il s'arrêtait, il hésitait. Elle voyait dans son regard qu'il avait quelque chose à dire de plus. qu'il n'osait pas prononcer. Cette fois, après quelques instants d'hésitation, après s'être levé et rassis, il lui demanda d'une voix tremblante quand il pourrait la féliciter de l'acquisition d'un frère. Elinor n'était pas préparée à cette question, et n'ayant pas de réponse prête, elle fut obligée de dire, comme on dit toujours, « Je n'entends pas, je ne comprends pas. Parlez-vous de mon frère John? Sont-ils arrivés ?» Il essaya de sourire et répliqua avec une espèce d'effort, « Vous ne voulez pas me comprendre ?»« J'entends les engagements de votre sœur avec M. Willoughby de Hautecombe. Ils sont connus généralement et j'ai cru. »« Ils ne peuvent être connus, » dit Elinor, « puisque la famille les ignore. » Il parut très surpris. « Je vous demande mille pardons, » dit-il. « Je crains à présent que mes questions n'aient été très indiscrètes, mais je ne pouvais imaginer qu'il y eût du mystère, puisqu'ils correspondent ouvertement et que tout le monde parle de leur mariage. » « Tout le monde en parle, dites-vous. Vous me surprenez toujours davantage. Dites-moi, je vous en prie, par qui vous en avez été informé ?»« Par plusieurs personnes. Il y en a que vous ne connaissez pas, d'autres avec qui vous êtes très liés, comme par exemple Madame Jennings, les Palmer, les Middleton. Malgré cela, je ne l'aurais pas cru, parce qu'on cherche toujours à douter de ce que l'on craint. Mais l'autre matin, en entrant ici, je vis accidentellement une lettre entre les mains du domestique qui ne cherchait pas à la cacher. » Elle était adressée à M. Willoughby et de l'écriture de votre sœur. Je vous ai demandé si elle se mariait, mais j'en étais déjà convaincu. Est-ce que tout est conclu définitivement? Ne me reste-t-il aucun espoir? Mais non, lors même qu'il y aurait des obstacles insurmontables, je n'ai aucun droit, aucune chance de jamais succéder. De grâce, excusez-moi, bonne Elinor, j'en dis trop sans doute et j'ai grand tort, mais je sais à peine ce que je dis, et je me confie entièrement en votre prudence. Dites-moi que tout est arrangé, quoiqu'il faille encore garder le secret quelque temps. Ah, combien j'ai besoin d'être sûr que mon malheur soit décidé, de ne plus rester en suspens, et d'employer toutes les forces de mon âme à me guérir d'un sentiment inutile et coupable. » Ces paroles incohérentes, cet aveu positif de son amour pour Maria, affectèrent beaucoup Elinor, au point même de l'empêcher de parler. Et quand elle se sentit un peu remise, il succéda à ce trouble un extrême embarras de répondre convenablement. L'état réel des choses entre sa sœur et M. Willoughby lui était trop peu connu pour qu'elle ne craignît pas de la compromettre en disant trop ou trop peu. Cependant, comme elle était convaincue de l'affection de sa sœur pour Willoughby, qui ne laissait aucun espoir au colonel quel que fût l'événement, étant bien aise d'ailleurs d'épargner à Maria le blâme auquel elle donnait lieu si souvent, elle jugea plus prudent d'en avouer davantage qu'elle n'en croyait elle-même. Elle lui dit donc que, quoiqu'elle n'eût jamais été informée par eux-mêmes des termes où ils en étaient, elle n'avait aucun doute de leur affection mutuelle et qu'elle n'était pas surprise d'apprendre leur correspondance. Le colonel l'écouta avec une silencieuse attention et quand elle eut cessé de parler, il se leva et dit avec une voix émue, « Je souhaite à votre sœur tous les bonheurs imaginables. Puisse-t-elle, puisse Willoughby mériter la félicité qui leur est destinée. » Il la salua de la main, leva les yeux au ciel avec l'expression la plus douloureuse, et partit. Elinor resta triste et pensive. Cet entretien, loin de lui avoir apporté quelque consolation, laissait un poids sur son cœur. Ses espérances du mariage de sa sœur s'étaient, il est vrai, renouvelées. Mais serait-elle heureuse? Les vœux du colonel avaient quelque chose de sombre. Il semblait en douter. Le malheur de cet homme intéressant l'affligeait aussi. Elle déplorait la fatalité qui l'avait entraînée dans un amour sans espoir. Et cette conformité dans leur situation redoublait encore l'intérêt qu'il lui inspirait. « Pauvre Brandon, » s'écriait-elle. Et son cœur oppressé disait ainsi « Pauvre Elinor !» Elle ne savait plus ce qu'elle devait désirer, et sur quel objet qu'elle arrêta sa pensée, c'était avec un sentiment douloureux.